إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous sommes réunis aujourd'hui pour continuer la lecture du livre du Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah qui est intitulé Aqidatu Ahli Sunnati wal Jama'a, que nous avons traduit par la croyance des gens de la Sunna et du groupe des musulmans. Nous allons laisser notre frère Abdul Hakim lire, inshallah, la suite du texte et expliquer. Tafaddal. Allahu salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède un visage plein de majesté et digne de vénération. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Seul subsistera le visage de ton Seigneur, plein de majesté et digne de vénération. Sourate Ar-Rahman, verset 27. Non. Ce que l'on tire de ce verset, c'est que l'on affirme qu'Allah tabaraka wa ta'ala a un visage, puisqu'il l'a dit. Et cela fait partie de sifat al-dhatiyya, des attributs d'essence. Et c'est une chose réelle qui convient à sa majesté subhanahu wa ta'ala, et rien ne lui est semblable. Dans la langue arabe, al-wajhu, le visage, la face, est utilisé pour parler de ce qui fait face, ce que l'on voit en premier quand on regarde quelqu'un ou quelque chose. Le mot wajh, face, prend un sens différent selon à qui ou à quoi il est attribué. La face d'un meuble, la face d'une voiture, la face d'un être humain, etc. Il n'y a aucune ressemblance entre toutes ces sortes de faces. Si ceci est vrai entre les créatures, alors c'est encore plus vrai entre les créatures et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cet attribut qui est al-wajh, le visage concernant Allah tabaraka wa ta'ala, nous l'affirmons sans le nier ni l'interpréter par une autre chose que sa réalité. On ne demande pas le comment ni on ne se l'imagine. On prend cet attribut comme tel, comme il a été révélé. Naam. Continue. Nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède deux mains généreuses et immenses. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha. Sourate Al-Maida, verset 64. Au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes. Il distribue ses dons comme il veut. Wa ma qadarullah haqq qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah was samawati matwiyatun bi yamin subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Sourate Az-Zumar, verset 67. Ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être, alors qu'il rassemblera la terre entière dans une poignée le jour de la résurrection et que les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire et pureté à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. On voit donc, dans ce que le cheikh vient de citer, que les gens de la sunna affirment qu'Allah tabaraka wa ta'ala a deux mains, qui sont généreuses et immenses. La preuve qu'Allah tabaraka wa ta'ala a deux mains, c'est sa parole « Bal yadahu mabsutatan ». Dans la traduction du sens, au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes. Et ici, « yadahu », c'est aux formes du duel, c'est-à-dire deux. Aussi, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Sad, verset 75, dans le sens de la traduction, « Ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains ?» Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayhi. Et la preuve qu'il a subhanahu wa ta'ala deux mains généreuses est dans sa parole, bal yadahu mabsutatan. Ses deux mains sont largement ouvertes. C'est-à-dire qu'il distribue subhanahu wa ta'ala ses dons comme il veut pour montrer qu'il est généreux d'une façon parfaite. La preuve qu'il a deux mains immenses est dans sa parole, dans le sens de la traduction, ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une seule poignée. et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui, il est au-dessus de ceux qui lui associent. Donc, Allahu tabarak wa ta'ala s'est affirmé pour lui-même qu'il a deux mains et que ses deux mains sont réelles selon sa majesté. Et ce ne sont pas deux mains comme les mains des créatures. Sa main n'est pas comparable à la main de l'homme ou de n'importe quelle créature. Il ne faut pas s'imaginer le comment, ni s'imaginer aucune similitude. En réalité, quand on voit les sectes qui ont renié les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, où ils les ont interprétés, vous savez c'est à cause de quoi? Car ils se sont imaginés. Donc ils sont tombés dans un interdit qui est le fait de s'imaginer et le fait de penser qu'il y a une similitude en cela. Alors ils sont tombés dans un deuxième interdit qui est le fait de modifier et d'altérer, ou dans un autre interdit qui est le fait de renier les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tout ceci a commencé quand ils ont commencé à s'imaginer, alors qu'il suffisait qu'ils y croient sans s'imaginer, sans chercher le comment. C'est parce qu'ils ont cherché le comment qu'ils sont tombés dans la bid'a d'interpréter, c'est-à-dire de modifier et d'altérer, ou bien de renier les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela que certaines sectes égarées ont interprété la main d'Allah tabaraka wa ta'ala comme étant sa puissance ou la grâce d'Allah. Or ceci est une déformation du sens voulu. Naam. Nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède également deux yeux véritables. D'après sa parole, وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُونِنَا وَوَحْيِنَا Sourate Hud, verset 37. Et construit l'arche sous nos yeux et d'après notre révélation. Et le prophète, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, a dit, son voile est lumière. S'il l'enlevait, la lumière de son visage brûlerait tout ce qui se trouve comme créature sur le passage de son regard. Les gens de la Sunna sont unanimement d'accord que ses yeux sont au nombre de deux. Et la parole du prophète, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, concernant l'antéchrist, Ad-Dajjal, appuie cela. Il est borgne et, certes, votre Seigneur n'est pas borgne. Naam. Donc là, on vient encore à un autre attribut parmi les attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui font partie de ses attributs d'essence. C'est qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, a deux yeux. Ce sont des choses réelles. Il faut les affirmer telles qu'Allah l'a affirmé d'une manière qui lui convient. Et dans le verset cité par Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, il fait mention de a'yunina, qui est sous la forme du jama', du pluriel. Mais ici, c'est un pluriel dans le mot, mais non pas dans le sens. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala a utilisé le pluriel pour montrer la grandeur et le respect. At-ta'zim. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a deux yeux. Et ceci a été affirmé dans la sunna authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, qui a dit « Votre Seigneur n'est pas borgne ». Et bien sûr, on rejette toute similitude entre les yeux d'Allah tabaraka wa ta'ala et les yeux de ses créatures. Et comme a dit Cheikh Al-Uthaymeen, il a dit qu'il y a unanimité entre les gens de la sunna que le nombre des yeux d'Allah sont de deux. Donc c'est un point sur lequel il y a unanimité. Tafadda. Nous croyons d'Allah subhanahu wa ta'ala que la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir. Sourate Al-An'am, verset 103. Les regards ne peuvent l'atteindre alors qu'il saisit tous les regards. Et il est le doux, le parfaitement connaisseur. Nous croyons que les croyants verront leur Seigneur le jour de la résurrection. Sourate Al-Qiyamah, versets 22 et 23. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Alors, ici, les deux versets que Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah a cités vient appuyer le fait que Ahl Sunna affirme que les croyants verront leur Seigneur Allah tabaraka wa ta'ala le jour de la résurrection. Pour ce qui est de ce bas monde, l'être humain ne pourrait supporter le fait de voir Allah tabaraka wa ta'ala. Mais dans l'au-delà, ceci sera possible, car notre création sera différente. Nous serons préparés à la vision d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et notre état sera différent par rapport à notre état de ce bas monde. Donc nous croyons que nous verrons notre Seigneur subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier, comme l'a affirmé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, d'après Jarir ibn Abdillah al-Bajali, radiyallahu anhu. Nous étions assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il regarda la lune dans une nuit où elle était pleine, alors il a dit, certes, vous allez voir votre Seigneur comme vous voyez cette lune la nuit lorsqu'elle est pleine sans avoir de mal à le voir. Subhanahu wa ta'ala. Concernant le fait que le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, pendant le voyage nocturne, nous avons parlé de ça dans Sharh Sunnah de l'imam Ahmed en détail. Le voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah pendant l'ascension nocturne? La parole juste, c'est qu'il l'a vu avec son cœur. Il ne l'a pas vu avec ses yeux. Et ceci réunit entre toutes les versions des sahaba, radiyallahu anhum. Entre ceux qui ont nié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah, ils ont nié en fait qu'il l'ait vu avec ses yeux. Et ceux qui ont affirmé qu'il a vu Allah, en fait ils ont affirmé qu'il l'ait vu avec son cœur. Donc il n'y a pas de divergence en réalité sur ce sujet. À l'époque des sahaba et des premiers siècles, la divergence est née après cela à cause d'une mauvaise compréhension des paroles des sahaba radiyallahu anhum. Naam. Nous croyons que rien n'est similaire à Allah, subhanahu wa ta'ala, car ses attributs sont parfaits. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Sourate Ash-Shura, verset 11. Il n'y a rien qui lui est similaire, et il est l'audient, le clairvoyant. Nous croyons que la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sourate Al-Baqara, verset 255. Ni somnolence, ni sommeil n'ont de prise sur lui, car il possède les attributs parfaits de la vie et de la qayyumiyya. Le nom d'Allah, Al-Qayyum, désigne en arabe celui qui existe par lui-même et se passe de tout autre que lui parmi la création, et celui qui veille à l'existence et à la pérennité de toute chose, et dont ne peut se passer la création. Nous croyons qu'il ne commet d'injustice envers personne, car sa justice est parfaite. Ici, il commence, Cheikh Rahimahullah, à citer les attributs dont Allah tabaraka wa ta'ala a rejeté ou a nié le fait qu'ils lui appartiennent, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah tabaraka wa ta'ala n'est jamais injuste envers qui que ce soit. Allah tabaraka wa ta'ala peut faire ce qu'il veut. Il est capable de faire l'injustice. Mais il se l'est interdit à lui-même. Comme il est venu dans le hadith al-Qudsi, « Oh mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'ai rendue entre vous interdite, alors ne soyez pas injustes. » De même, toutes les autres attributs que Allah tabaraka wa ta'ala a niés, on doit les nier et on doit affirmer leur contraire dans la perfection. C'est pour ça que le cheikh, quand il dit « Nous croyons que ni somnolence ni sommeil ne le prennent, car il possède les attributs de la vie parfaite. » Donc il a fait quoi? Il a attribué son contraire dans la perfection, la vie parfaite. Et « Al-Qayyumiyya ». De même, quand il a dit qu'Allah ne commet pas d'injustice, qu'est-ce qu'il a fait? Il a affirmé son contraire dans la perfection. Sa justice est parfaite. Vous voyez comment est la croyance des gens de la Sunna dans le fait de nier ce qu'Allah s'est nié. Subhanahu wa ta'ala. Naam, fadda. Nous croyons qu'il ne commet d'injustice envers personne, car sa justice est parfaite. Qu'il n'ignore point les œuvres de ses serviteurs, car sa surveillance est parfaite. Et il cerne toutes choses de son savoir. Nous croyons que nulle chose ne peut réduire l'autorité d'Allah, que ce soit dans les cieux ou sur terre, car son savoir et sa puissance sont absolus. Certes, son commandement, lorsqu'il veut une chose, consiste à dire « soit » et cela est. Et aucune fatigue ni épuisement ne peuvent l'atteindre, car sa force est totale. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Sourate Qaf, verset 38. En effet, nous avons créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre eux en six jours, sans éprouver la moindre fatigue. Tayyib. Ici, nous voyons encore que le cheikh énonce sifat al-manfiyya, les attributs rejetés, les attributs qu'on n'attribue pas à Allah tabaraka wa ta'ala. Et en même temps, à chaque fois qu'il cite un attribut rejeté, il cite son contraire dans la perfection. Regardez, quand il dit « Et nous croyons qu'il n'ignore point les actes de ses serviteurs, car sa surveillance est parfaite, et il cerne toute chose de son savoir. » Donc là, il vient d'affirmer son contraire dans la perfection. « Nous croyons que nulle chose ne peut réduire l'autorité d'Allah, que ce soit dans les cieux ou sur la terre, car son savoir et sa puissance sont absolus. » Il a affirmé son contraire dans la perfection. Ça, c'est très important. De même, il a dit, et aucune fatigue ni épuisement ne peuvent l'atteindre, car sa force est totale. Il affirme son contraire dans la perfection, encore une fois. Donc, tous ces attributs que l'on vient de parler font partie de Sifat al-Manfiyya, les attributs qu'Allah a niés pour lui-même dans son livre, ou que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a niés concernant Allah, et tous sont des attributs de manquement et de défaut, comme la mort, l'ignorance, le sommeil, l'oubli, la fatigue, l'injustice. Et il est obligatoire de les nier concernant Allah tabaraka wa ta'ala, mais il n'est pas suffisant de les nier simplement. Il est également obligatoire de croire et d'affirmer leur contraire dans la perfection. Comme on a dit, Allah n'est pas injuste, on affirme qu'il a une justice parfaite, etc. Fadal Hakim. Et nous croyons en la véracité de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé à propos de lui-même, ou que son messager sallallahu alayhi wa sallam a affirmé à son sujet comme nom et attribut. Mais nous désavouons deux principes extrêmement dangereux qui sont at-tamthil et at-takyif. On traduit généralement le terme at-tamthil par anthropomorphisme, et on traduit également le terme at-takyif par le fait d'attribuer une forme précise à Allah à travers ses attributs. At-tamthil est le fait de dire dans son cœur ou avec sa langue que les attributs d'Allah, le Très-Haut, sont comme ceux de ses créatures. Alors, on a déjà expliqué ces principes-là, mais on y revient ici parce que le cheikh parle de ce sujet. Donc, la croyance que l'attribut qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'est affirmé est comparable aux attributs des créatures, c'est ça at-tamthil. Et c'est une croyance nulle, en référence au Coran, à la Sunna authentique et à la raison illuminée. Dans le Coran, il y a plusieurs versets dans ce sens-là. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui est semblable. Dans sourate Maryam, il y a aussi verset 65. Hal ta'lamu lahu samiyya? Lui connais-tu un semblable? Dans sourate Al-Ikhlas, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ et nul n'est égal à lui. Donc ce sont des versets qui sont clairs, qui montrent que التمثيل est strictement rejeté et interdit. Pour ce qui est de la raison saine, on prouve la nullité de cette croyance par deux arguments. Premièrement, comment peut-on comparer entre le Seigneur créateur qui est parfait avec celui qui est une créature asservie et imparfaite? Celui qui croit cela est celui qui va diminuer le droit du créateur. Donc, c'est le fait de faire une similitude entre la perfection et l'imperfection. Et cela rendra cette perfection imparfaite. Le deuxième argument, c'est qu'on va s'apercevoir de nous-mêmes qu'il y a des créatures qui ont des attributs qui sont communs dans la nomination, mais qui vont être totalement différentes dans leur réalité et leur comment. Par exemple, l'homme a une main. Cette main n'est pas comme la main de l'éléphant. On utilise le mot « main » en arabe aussi « yed » pour parler de la patte de l'éléphant. Aussi, on voit qu'il y a une différence entre la force de l'homme et la force du dromadaire. S'il y a une différence entre le « comment » et la description de ces créatures, alors on va savoir que le fait qu'il y a une association dans le nom, cela ne veut dire en rien qu'il y a une association dans la réalité de l'attribut. À plus forte raison pour Allah tabaraka wa ta'ala, quand on dit qu'il a une main, dans la réalité, ceci est totalement différent. Il n'y a aucune comparaison à faire. Il faut savoir qu'il y a une différence entre les termes « at-tashbih » et « at-tamthil ». « At-tashbih », c'est le fait de donner une ressemblance entre deux choses sous certains aspects seulement. Et « at-tamthil », c'est le fait de faire ressembler deux choses sous tous les aspects, les rendre similaires. Et ces deux choses-là sont interdites concernant la réalité des noms et des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y a aucune ressemblance ni aucune similitude. La seule ressemblance est dans le nom, c'est tout. Mais dans la réalité des attributs, il n'y a ni ressemblance et encore moins de similitude. At-takyif est le fait de dire dans son cœur ou avec sa langue que la nature des attributs d'Allah est comme ceci ou comme cela. At-takyif, c'est le fait de donner une explication sur le comment des attributs. C'est une croyance fausse et contraire à celle des gens de la sunna, des musulmans. Il nous est strictement interdit de donner une explication et d'attribuer un comment aux attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens des versets dans sourate Taha verset 110, alors que eux-mêmes ne le cernent pas de leur science. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Si nous ne cernons pas Allah tabaraka wa ta'ala de par notre science, comment pouvons-nous donner une explication au comment de ces attributs? Nous n'avons donc aucune science concernant la réalité du comment des attributs d'Allah. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit « وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا » dans sourate Al-Isra, verset 36, dans le sens des versets. « Et ne poursuis pas ou bien ne dis pas ce dont tu n'as aucune science, aucune connaissance, l'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité, on sera interrogé. » Il n'y a aucun texte, jamais, qui est venu mettre en évidence la réalité du comment des attributs d'Allah tabarak wa ta'ala. On a al-ithbat, l'affirmation des attributs. Mais jamais un texte n'est venu spécifier le comment des attributs d'Allah tabarak wa ta'ala. Allah ne nous a pas informé du comment de cela. Donc, si nous essayons de donner une explication aux attributs, nous allons suivre ce dont nous n'avons aucune science. Il est de notre devoir de rendre faux celui qui viendrait et donnerait l'explication sur le comment des attributs d'Allah tabaraka ta'ala. Les pieux prédécesseurs, les salafs, quand ils ont parlé de l'kayfiyya, quand on parle de l'kayfiyya, ils n'ont pas renié le comment des attributs. C'est-à-dire que les attributs, ils ont un comment. Cela existe, le comment. Bien que nous, de notre science, on ne peut pas parvenir à la connaissance de cela, le comment existe. Donc nous ne réfutons pas l'attribut d'Allah tabaraka ta'ala et nous ne réfutons pas que les attributs ont un comment. Par contre, on renie le fait de donner une explication du comment des attributs car Allah ne nous a pas informés sur cela. Il est donc interdit de demander ou de chercher à comprendre le comment. On ne doit pas se poser la question et poser la question sur cela. Non. Puis le cheikh fait une conclusion sur la méthodologie dans l'approche qu'on doit avoir concernant les attributs, les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fadda. Nous croyons en tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a nié à propos de lui-même ou que son messager sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a nié à son sujet et que cette négation comporte l'affirmation de la perfection de son contraire. De plus, nous ne parlons pas de ce sur quoi Allah s'est tu, de même que son messager sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes d'avis que suivre cette voie est un devoir qui nous incombe. Cela, car ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé ou nié à propos de lui-même est une information par laquelle il informe à son sujet. Et il est plus savant que quiconque à propos de lui-même. Il est plus véridique en parole que quiconque et meilleur en récit que quiconque. Et ses serviteurs ne peuvent le cerner de leur science. De même, ce que son messager, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, a affirmé ou nié à son sujet est une information à propos de lui. Et il est le plus savant des hommes au sujet de son Seigneur, le plus désireux d'être de bons conseils, le plus véridique et le plus éloquent de toute la création. Ainsi, dans la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala et de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam se trouve la perfection du savoir, de la véracité et de l'explication. Par conséquent, il n'y a aucune excuse valable pour la rejeter ou hésiter à l'accepter. Tout ce que nous avons mentionné comme attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon globale ou détaillée, par affirmation ou par négation, nous nous basons en cela sur le livre de notre Seigneur et la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, tout en suivant la voie des prédécesseurs de la communauté et des imams bien guidés venus après eux. Nous sommes d'avis qu'il est obligatoire d'appréhender les textes du livre et de la sunna dans ce chapitre suivant leur sens apparent et de les comprendre dans leur signification véritable comme il convient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous désavouons la voie prise par les altérateurs de ces textes qui les ont déviés de leur sens, contrairement à ce qu'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ont voulu. De même que la voie des négateurs de ces textes qui ont rejeté le sens qu'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam en ont voulu. Nous désavouons enfin la voie prise par les exagérateurs face à ces textes qui les expliquèrent par l'anthropomorphisme, at-tamthil, ou qui s'efforcèrent d'attribuer une forme précise à Allah à travers ses attributs à partir de leur sens apparent, at-takyif. Naam, avant de finir, inshallah, ce que Cheikh a dit, il faut savoir que parmi les sectes qui ont dévié concernant les noms et les attributs d'Allah, tabarak wa ta'ala, nous trouvons entre autres al-jahmiyya, les jahmites. Ils disent qu'Allah n'a aucun nom et aucun attribut. C'est-à-dire qu'il tombe dans une négation totale. Il croit qu'Allah est une simple entité dénuée de tout nom et de tout attribut. Puis il y a al-Mu'tazila, les Mu'tazilites. Ils disent qu'Allah possède des noms, mais que ces noms-là sont de simples noms propres sans signification. Et ils nient tous les attributs. Exemple, ils disent qu'Allah est voyant sans posséder la vue, qu'il est l'entendant sans posséder l'attribut de l'ouïe. Puis il y a al-kullabiyya qui sont nommés communément al-ash'ari, les ash'arites, et aussi al-maturidiyya, les maturidites qui les rejoignent en cela. Pourquoi on dit qu'ils sont, leur vrai nom c'est al-kullabiyya? Parce que l'imam Abul Hassan al-ash'ari s'est repenti de cette croyance avant sa mort. Donc affilier cette croyance à lui est une erreur. En réalité, c'est la croyance de Ibn Kullab. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ils sont appelés les Ash'arites. Donc, ils disent qu'Allah tabaraka ta'ala a des attributs, mais que ces attributs sont impérativement sujets à une interprétation. Interprétation qui consiste à parler sur Allah tabaraka ta'ala sans science, comme le fait de dire que la main d'Allah est en fait la puissance ou son bienfait. Par contre, ils attestent qu'Allah possède sept attributs qui n'ont pas lieu à une interprétation. Ils ont affirmé uniquement ceci, car pour eux, ils peuvent être supportés par la logique. Alors, ils ont accepté la vie, al-hayat, l'ouïe, al-sama, la vue, al-basar, la volonté, al-irada, la volonté, al-mashiyah, la science, al-ilm, la parole, al-kalam. À savoir que concernant la parole, ils disent pas la parole d'Allah, ils disent la parole en lui-même, al-kalam ou al-nafsi. Ceci est faux. De même que la vue et l'ouïe, ils la retournent à la science. Donc en réalité, même dans ces sept-là, ils les interprètent. Mais en réalité, ce n'est pas de l'interprétation, c'est de l'altération et de la modification. En dehors de ces sept attributs, ils font at-tahrif, de l'altération, de la modification. Ce qu'ils appellent, eux, par un mot plus doux, interprétation. Naam, faddal. Nous savons de science certaine que ce qui est révélé dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala ou dans la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam est vérité et qu'il ne contient pas la moindre contradiction en se basant sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. أَفَلَا يَتَدَّبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sourate An-Nisa, verset 82. Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certainement beaucoup de contradictions. Mais aussi sur le fait que la présence de contradictions dans les propos révélés impliquerait que la révélation se démentisse elle-même. Et ceci est impossible à l'égard des propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et celui qui prétend que dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou dans la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, ou entre ces deux, il existe des contradictions, cela provient de sa mauvaise intention et de l'égarement de son cœur. Qu'il se repente alors à Allah, subhanahu wa ta'ala, et qu'il délaisse cet égarement. Cependant, celui qui a l'impression de déceler une contradiction dans le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ou dans la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, ou entre les deux, cela provient soit de son manque de savoir, soit d'un manque de compréhension, ou encore d'un manque de réflexion. Qu'il aille étudier, ou qu'il fasse des efforts dans la méditation des textes jusqu'à ce que la vérité lui apparaisse clairement. Et s'il n'y arrive pas, alors qu'il délègue cette affaire à Allah l'Omniscient, qu'il mette un terme à son imagination, et qu'il dise, comme les gens ancrés dans la science disent, « Amanna bihi kullum min indi rabbina » Suratu Ali Imran, verset 7. « Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur. » Et qu'il sache que ni dans le livre, ni dans la sunna, et ni entre les deux, n'existe de contradiction ou de divergence. Non. Alors ici, voilà, le cheikh conclut avec cela et il fait un rappel et un conseil à toutes les personnes qui ne sont pas sur la voie des salafs ou qui ont un doute sur une de ces règles. Jazakallahu khairan, il donne des très bons conseils. Pour la personne qui est objective, Allah le guidera à la bonne croyance en suivant ces conseils-là. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.